Marche funèbre pour la mort de la terre. Billet de faire part. Lento. Ô convoi solennel des soleils magnifiques, nouez et dénouez vos vastes masses d'or. Doucement, tristement, sur de graves musiques, menez le deuil très lent de votre sœur qui dort. Les temps sont révolus. Morte à jamais, la terre, après un dernier râle, où tremblait un sanglot, dans le silence noir du calme sans écho, flotte ainsi qu'une épave énorme et solitaire. Quel rêve! Est-ce donc vrai? Par la nuit, emporté, tu n'es plus qu'un cercueil, bloc inerte et tragique. Rappelle-toi pourtant, ô l'épopée unique. Non, dors, c'est bien fini, dors pour l'éternité. Ô convoi solennel des soleils magnifiques, nouez et dénouez vos vastes masses d'or. Doucement, tristement, sur de graves musiques, menez le deuil très lent de votre sœur qui dort.